Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ethnologue, fondateur des éditions Anaco, conférencier, réalisateur de documentaires et auteur de livres sur les peuples du monde, Patrick Bernard s'est pris de passion très tôt pour les peuples menacés. Depuis l'âge de 18 ans, il partage sa vie entre notre monde dit civilisé et les dernières terres sauvages de ces peuples que nous qualifions de primitifs. Les films et les notes de Patrick Bernard se consacrent à la mémoire vivante des peuples menacés. Ils témoignent de leur situation et de l'urgence d'une prise de conscience qui puisse enfin aboutir à des actions concrètes. Donc nous sommes toujours sur le site du festival Planète Couleur, site où se déroule ce week-end le festival du film Curieux Voyageur. Et beaucoup de choses, beaucoup d'images, ça renvoie au voyage, à l'interculturalité. On y trouve des documentaires, des DVD, des livres, des photos, des associations qui sont présentes. Et là, je me suis arrêté dans une salle où le mur est couvert de magnifiques images qui font rêver, qui font voyager. On devine différents pays sur ces murs. On devine l'Asie, on devine peut-être l'Amérique du Sud, peut-être même l'Afrique et l'Afrique aussi. Je prends un bouquin comme ça au hasard. Voilà, Patrick Bernard. Donc Patrick Bernard, on va peut-être commencer par le début, à savoir, bah, qui es-tu ? Qui je suis ? Eh bien, je suis quelqu'un qui est originaire des Hautes-Vosges, de Gérardmer, dans les Vosges, et qui, bon, dès l'âge de 12 ans, a commencé à se passionner pour les peuples qui vivaient aux marges d'une société qui commençait déjà à se mondialiser sur le modèle occidental. Et j'étais passionné par les gitans, par les nomades qui passaient devant chez moi, parce qu'ils voyageaient comme le vent. Et chaque fois que des gitans passaient devant chez moi, malgré tous les préjugés que les sédentaires, les gadgets avaient contre eux, je sautais sur mon vélo, puis je les accompagnais. Et du coup, mes parents, comme ils devaient aller me rechercher très tard le soir dans le campement des gitans, ils étaient obligés de sympathiser avec les gitans. Et ça se passait très bien. Et puis très vite, à 17 ans, c'était ma façon à moi de passer ma crise d'adolescence. Je suis parti en immersion en Afrique, en Haute-Volta, c'est l'actuel Burkina Faso, à l'époque c'était dans les années 75. Et puis après je suis parti en Amazonie où j'ai été adopté dans une communauté amérindienne de la forêt où j'ai subi les rites initiatiques. Et là je suis tombé amoureux d'une forme de vie dont les peuples qui vivent encore très près de la nature, d'une spiritualité, des gens qui sont totalement à grand écart de différence par rapport à nos sociétés occidentales. Et j'ai décidé de leur consacrer ma vie. Et aujourd'hui, j'ai 56 ans et je suis toujours dans le bain jusqu'au cou. Parce qu'en même temps que je suis tombé amoureux d'une certaine forme de vie et puis des différences aussi, je me suis aperçu que ces peuples étaient en train de vivre leur dernier quart d'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment la fin de toutes ces petites populations, chasseurs-cueilleurs, nomades, qui vivaient dans les forêts, dans des zones parfois très difficiles et qui ne vivaient pas sur le modèle occidental. Donc j'ai décidé à la fois d'en faire un métier, c'est-à-dire je réalise des films documentaires pour la télé, pour les circuits de conférences, pour toutes ces choses-là, et puis de m'engager, de militer, employons le mot qui convient, aux côtés de ces peuples. Donc dès 88, avec quelques amis autochtones, on a fondé cette association qui s'appelle ICRA International, qui est un peu l'équivalent d'Amnesty, mais pour les peuples premiers, pour les peuples racines. Et le but, c'est surtout de faire prendre conscience au public, parce que les médias n'en parlent jamais, que nous sommes les derniers contemporains de tout un pan de l'humanité et de tout un pan des diversités de l'humanité qui est vraiment en train de disparaître maintenant. C'est la toute dernière génération, nous sommes la dernière génération à être contemporains de cette partie-là de l'humanité. Et c'est une partie de l'humanité qui n'a pas d'écrit, qui n'a pas de château fort, qui n'a pas d'histoire matérielle, on va dire, ils ont une histoire orale. Donc c'est important aussi de mémoriser ces cultures orales qui sont en train de disparaître très vite. Superbe résumé de ton parcours, de ce que tu es, Patrick. Mais maintenant, on va gratter un peu, on va approfondir, on va prendre le temps d'y voir plus clair, de passer des messages aussi à travers tes missions radio, parce que tu l'as bien dit, on arrive à un clivage de nos sociétés où aujourd'hui, on assiste peut-être au déclin de beaucoup de peuples premiers. Donc c'est bien d'en parler, de mettre l'accent dessus, de pouvoir communiquer autour de ça, parce que c'est dans cette biodiversité des cultures qu'on a pu se construire, nous, finalement. Et si aujourd'hui, l'homme a développé, c'est pas grâce à lui-même, c'est grâce aux autres. On n'est pas dépendants, mais on est tous interdépendants des uns des autres. Et on est développé selon nos critères à nous. Le développement n'a pas le même sens selon qu'il se passe en Amazonie, en Afrique. Développer, ça veut dire venir petit à petit à l'image de l'occidental, de celui qui a le mode économique majoritaire sur la planète. C'est pas forcément du développement pour ceux à qui on va l'imposer. C'est ça, nous on s'est imposé des critères de développement qui sont des critères économiques. Économiques, purement économiques. Alors que dans certains pays, je me rappelle, j'avais entendu ou j'avais lu ça quelque part, que le Bhoutan, lui, base son développement sur le PNB, le bonheur national brut. Ben bien sûr, et puis le fait d'être bien avec soi et avec son environnement, ça passe pas forcément par la richesse matérielle. L'homme est peut-être très doué au niveau des compétences qu'il a réussi à mettre en place, mais complètement crétin par rapport au mode de vie dans lesquels on est emprisonné et dépendant de la matérialité qu'on va créer. L'occidental, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent en phase complète avec la nature et qui ne font pas partie du tiers-monde. Les chasseurs-cueilleurs, par exemple, ou les grands nomades, les grands éleveurs nomades, sont des gens qui vivent en phase complète avec la nature, qui ont trouvé une harmonie de vie, une complémentarité, et qui s'adaptent aux grands éléments de la nature. Et beaucoup de ces communautés dans lesquelles je vais, celles en tout cas qui ne sont pas encore prise de plein fouet dans le choc avec le monde occidental, beaucoup de ces sociétés vivent une joie de vivre au quotidien. Il suffit de voir certains films et de voir la joie de vivre qui émane. Et j'ai constaté dans toutes mes immersions au sein de ces communautés tribales que la joie de vivre, le sens de l'hospitalité, le sourire sont en général en quantité inversement proportionnelle au niveau de vie matériel. C'est-à-dire plus vous vous approchez d'une société occidentale, quand je rentre de voyage, plus les gens tirent la tête. Plus vous allez dans des communautés qui vivent simplement, on va dire, matériellement, et plus vous avez des gens qui savent exalter vivre. De joie, vivre, recevoir, qui sont d'une très grande générosité alors qu'ils n'ont rien. Et ça prête à réfléchir pour les voyageurs. Et ça laisse à réfléchir pour celui qui est pris dans son train de vie quotidien et qui s'agite dans tous les sens pour donner du sens à sa vie. On est en manque de sens aujourd'hui. J'ai l'impression que l'homme occidental ne sait plus bien où il va et comment il y va. On est en manque de sens, on est en manque de repères culturels, fondamentaux, même spirituels aussi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va parce qu'on est dans une course effrénée au développement technologique, à l'enrichissement personnel. On en oublie un petit peu la vie en collectivité. Et puis alors le rapport à la nature, alors on plaque des mots, justement le mot développement c'est le mot typique qu'on va coller partout, au développement durable, c'est comme quand je vois tourisme durable ou tourisme équitable, enfin on invente des mots pour se donner bonne conscience, quand on va gratter un petit peu on se rend compte qu'on est en plein dans cette logique qu'on s'est imposée de course effrénée vers ce progrès purement matérialiste qui ne comble peut-être pas tout à fait l'être humain quand on voit le mal de l'âme que vivent certains de nos contemporains, même chez les jeunes. Il y a parfois des questions à se poser. Donc le respect de la différence de l'autre, de communautés qui ne vivent pas forcément comme nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même relation à la nature, qui n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles aussi, parce que souvent ils sont animistes. Pourquoi on va leur imposer la christianité à coup de Bible sur la tête? C'est un truc que je n'ai toujours pas compris aujourd'hui. Eh bien, ces références-là, on est en train de les perdre. Et eux-mêmes, leur propre génération, vont les perdre. Les jeunes Amérindiens en Amérique du Nord aujourd'hui ont un mal fou quand ils veulent chercher un peu dans leurs racines, savoir quels étaient leurs repères. Ils ont un mal fou de trouver des éléments d'information sur la façon dont vivaient leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères ou grand-mères. Oh. C'est ça, aujourd'hui on est dans cette uniformisation, globalisation du peuple et des cultures. Est-ce que ça va s'arrêter, tu crois ? Ben, malheureusement, il y a une marche qui est en route. Il y a des prises de conscience qui se font, mais qui arrivent toujours avec un petit temps de retard. De plus en plus, l'opinion mondiale commence à prendre conscience de l'importance qu'il y a à respecter en tout cas les cultures différentes, les modes de vie différents, la façon dont les gens respectent la nature. Mais il y a une fuite en avant de l'occidental qui malheureusement est en train d'écraser tout sur son passage. On parle de mondialisation. Alors quand on parle de mondialisation, on parle de mondialisation économique en général, mais cette mondialisation, elle est profondément aussi culturelle. C'est-à-dire que tout le monde va devenir un membre de la société McDo-Coca. Oui, c'est ça, on impose des modèles. On impose des modèles. Mais j'ai rencontré des communautés qui, par exemple, ont refusé les missions religieuses, mais qui ne sont pas restées à l'écart de la marche du monde. Donc ils ont des portables, ils ont des groupes électrogènes, mais ils ont gardé leur rite fondateur. Leur identité. Leur identité. Par exemple, ils n'ont aucun complexe de la nudité, ils vivent nus ou ils pratiquent certaines cérémonies nues, ils n'ont aucun complexe par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas de tabou dans leur culture par rapport à ça. Ils se peignent par contre abondamment le corps avec des motifs symboliques. Et tout ça fait que cette différence-là, il est essentiel aujourd'hui d'en prendre conscience. Mais c'est bien, c'est positif comme message et ça m'interpelle. Je me demande, la réflexion que je me fais, c'est pourquoi ces gens-là, ces peuples-là ont su rester intègres. Est-ce que c'est parce que leur niveau de conscience est peut-être supérieur au nôtre finalement et eux ont déjà compris que le modèle qu'on leur imposait était un modèle erroné pour le bien-être de l'homme et de la planète ? Ah bah très souvent, parce qu'on dit que ce sont des peuples qui ne sont pas développés. Non, ils n'ont pas suivi le même chemin de développement que nous, c'est-à-dire que nous on a axé toutes nos capacités intellectuelles sur le développement économique et scientifique. Donc on a fait beaucoup de travail, on a fait un travail admirable et c'est passionnant pour quelqu'un qui étudie l'humanité, un ethnologue comme moi qui se met un peu en retrait puis qui étudie notre culture occidentale, elle est absolument passionnante. Elle a un gros problème, c'est qu'elle est extrêmement sûre de ses certitudes, de ses vérités et qu'elle est prosélyte dans tous les sens du terme, y compris sur le plan de la religion. Donc le peu qui nous reste de religion, on va l'imposer aux autres, alors qu'ils sont beaucoup plus spirituels que nous, puisque les peuples de la nature considèrent un esprit universel. Ce que nous, on va appeler Dieu, c'est la communauté des esprits que les Indiens d'Amérique vont appeler le grand Manitou, pour simplifier. C'est les esprits de la rivière, c'est les esprits du vent, c'est les esprits de l'eau, c'est les esprits des animaux, qui sont nos ancêtres fondamentaux à l'origine. Donc tout est lié et relié. Rien n'est séparé dans les sociétés tribales, dans les sociétés animistes. Il faut aussi savoir, parce qu'on a beaucoup de préjugés sur ces sociétés, parce qu'il fallait se justifier sur le fait d'aller les « civiliser », entre guillemets, maintenant on va dire d'aller les « développer », il faut savoir qu'à l'origine, les sociétés tribales sont des sociétés matriarcales. Donc, extrêmement plus avancé que nous sur le rapport entre l'homme et la femme. C'est la femme qui décide, c'est la femme qui possède, et l'homme se contente de protéger. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est on parle de développement, mais on oublie que si on a pu se développer économiquement et matériellement, c'est en pillant les ressources de ces peuples-là et des pays en développement. Ça c'est complètement la vérité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris pour prétexte l'évangélisation ou les paroles de Jules Ferry en disant nous allons civiliser les peuples qui ne sont pas égaux à nous, hein, parce que c'est un petit peu la conception qu'on avait, nous allons les aider, mais en fait au lieu d'aller les aider, on allait bien sûr envoyer nos missionnaires qui étaient bourrés de bons sentiments et de leur foi chrétienne débordante, au point qu'ils allaient l'imposer aux autres peuples, et puis on a justifié à travers cette intrusion, l'intrusion militaire et économique qui visait après à coloniser ces peuples et à s'approprier les ressources naturelles de la planète, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une hémisphère nord qui déborde de richesses, même si elle a des problèmes, je veux dire, elle déborde de richesses, elle est surconsommatrice, et vous avez une hémisphère sud qui crève de faim et de la corruption des systèmes politiques qui lui ont été imposés par l'Occident. Où 20% de la planète consomme 80% des ressources naturelles. Complètement. Où les forêts sont en danger, où les modes de vie nomades sont en danger, alors que c'est des modes de vie qui s'adaptaient justement aux aléas de la nature. On a cherché à tour de bras à sédentariser des peuples et en faire de mauvaises agricultures dans des zones comme de mauvais agriculteurs dans des zones comme le Sahel, ce qui fait que ces peuples-là, à la première tuile climatique, première sécheresse, et bien c'est eux qui meurent, alors qu'avant ils avaient de grands troupeaux et que lorsqu'il y avait une sécheresse, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux, ils allaient chercher des pâturages un peu plus loin, puis au pire quelques bêtes mouraient, mais les hommes arrivaient à survivre du fait justement de ce mode de vie nomade. Donc on a réussi à mettre en place une logique économique où couper un arbre rapporte plus que de le sauver et le préserver. Complètement, complètement. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc ce qui serait important, moi je n'ai pas du tout envie de critiquer notre société occidentale parce qu'elle a des côtés passionnants. Ce qui me dérange chez elle, c'est son côté prosélyte et trop prétentieux. C'est-à-dire on baigne dans un complexe de supériorité depuis plus de 5 siècles qui fait que, on fait énormément de bêtises vis-à-vis des peuples qui nous entourent et qui ne sont pas totalement à notre image. Donc plutôt que de fabriquer des copies ratées de l'homme qui se dit civilisé, j'ai tendance à dire, enrichissons-nous à la différence de l'autre. Qu'est-ce qui a fait dans ton itinéraire personnel, dans ta légende de vie personnelle, d'arriver à avoir ce regard sur la vie et sur le monde? Comment ça s'est développé en toi, Patrick? J'ai 56 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans que je vis en immersion dans les communautés, à peu près 6 mois par an, donc ça fait pas mal de monde en immersion dans des communautés toutes plus différentes les unes que les autres, dans les déserts, dans les forêts, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, dans le Grand Nord également. Et je crois que ce qui a fait qu'il y a eu cette démarche, c'est que j'ai eu la chance de démarrer ça. Je suis un peu comme Obélix, moi je suis tombé dans la marmite très jeune, c'est-à-dire qu'à 17 ans j'étais déjà dans les tribus. Moi, ma crise d'adolescence, c'était ça. J'ai bossé comme un malade, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti tout seul en Amazonie. Et puis, ma foi, j'avais envie de rencontrer des gens qui avaient gardé le lien avec la nature. C'était ça, en fait, qui me poussait. Puis, c'était à l'époque où on voulait me faire faire le service militaire. Et moi, ça ne m'intéressait pas tellement de faire le service militaire. Je ne trouvais pas que c'était une initiation intéressante. Et quand je suis allé en Amazonie, on m'a fait subir une initiation parce que j'ai été adopté. J'étais jeune et ces peuples-là ne laissent jamais un jeune seul et sans famille. Donc ils m'ont naturellement adopté. J'ai subi des rites initiatiques qui peuvent choquer quand j'en parle ici, mais qui étaient infiniment plus adaptés à la vie que j'étais amené à mener en forêt. Puisque après avoir dansé pendant toute une nuit avec 20 kilos de perles et de parures avec les autres jeunes de mon âge, j'ai dû subir les piqûres de à peu près 300 guêpes et fourmis carnivores qu'on me baladait sur le corps, qui étaient coincées dans une vannerie en fait, dans les mailles d'une vannerie, puis qu'on me retournait. Donc c'était très douloureux, mais c'était complètement adapté à la vie de la forêt. J'ai dû subir après un jeûne, parce que si un jour je me perds dans la forêt, je risque de ne pas avoir à manger pendant quelques jours, je vais me faire agresser par les insectes, piqueurs. Donc il faut que j'apprenne à résister. Donc l'initiation de ce peuple-là est tout à fait adaptée à la vie qu'on va mener. J'étais très fier, moi, de la subir. Et encore, les jeunes Indiens étaient encore beaucoup plus fiers que moi, puisque ils étaient dedans depuis leur naissance. Moi, l'initiation à l'époque qu'on me proposait en France, c'était d'apprendre le maniement des armes. J'en voyais pas tellement l'utilité. Enfin, je voyais pas en quoi c'était adapté à la vie que j'allais mener après. Thank you. L'un des derniers livres que j'ai sortis s'appelle « Tribu en sursis ». C'est un petit peu un plaidoyer pour les dernières tribus. On va le prendre avec nous. Ouais, on va se le regarder ensemble. Alors des gros livres comme ça, j'en ai fait trois. Le précédent s'appelait « Les voies de l'oubli ». Celui qui a précédé avant s'appelait « Les oubliés du temps ». J'en fais à peu près un tous les 10 ans. Hop, « Tribu en sursis ». Donc on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe, ce qu'on y trouve. En fait, en te parlant, j'ai l'impression d'avoir un peu un messager, un porte-parole, ouais, exactement, pour ces peuples premiers, pour ces tribus en sursis. Hein, tu parlais avant de témoignages, où on arrive un peu à l'apogée d'une civilisation, on assiste au déclin de beaucoup d'autres. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? On va prendre quelques petits exemples. Hein. D'ailleurs, cette photo-là, elle symbolise un peu toute la démarche. Cette petite jeune fille qui est, alors, puisqu'on est à la radio, hein, elle est dans l'eau, dans la mer, pas très loin de la côte. Et elle a un regard très effrayé, elle tend les mains vers une embarcation. Et en fait, elle appartient à une tribu qu'on appelle les Jarawa. Les Occidentaux les appelaient les Négritos. Ils vivent dans un petit archipel, l'archipel des Andaman, au large de la Thaïlande et de la Malaisie. Et ce sont les derniers descendants d'un peuple à la peau noire qui était le peuple d'origine des régions du sous-continent asiatique. Il ne reste plus que 300 personnes. Ils ont refusé le contact, mais alors totalement, au point de flécher les gens qui s'approchaient de chez eux. Ils ont refusé le contact jusqu'au début des années 2000. Et moi, dès le début des années 90, avec une petite pirogue en pleine mer, parce qu'ils sont dans une zone militaire, donc qui est interdite, où l'armée indienne, ça appartient à l'Inde, fait ses essais de bombes atomiques sous-marins. Ça a été comme par hasard aussi l'épicentre du tsunami destructeur qui a eu lieu en 2004. Cette petite tribu, ben, je vais la voir depuis 1990, en bateau. Je lui fais signe depuis mon bateau, mais tant qu'il n'avait pas accepté le contact, je n'ai jamais mis pied à terre. C'est-à-dire qu'on a eu un rapport dans l'eau. Moi, je quittais ma pirogue, je nageais vers eux nageaient vers moi. On s'est rencontrés, on se touchait. Je repartais à ma pirogue, ils repartaient sur le sol. Si je m'approchais un peu trop du sol, ils commençaient à décocher des flèches sur la pirogue. Et puis dans les années 2000, parce qu'il y avait la pression du monde extérieur, les Indiens, il y a une colonisation indienne de plus en plus forte de ces îles, donc ils sont passés de 150 000 colons indiens en 1990 à 500 000 colons indiens en 2000, donc c'est énorme, en 10 ans, hein, ils ont multiplié par 3 ou 4 le nombre des colons, commencent à déforester la forêt, commencent à vouloir exploiter les richesses de l'île, donc veulent absolument pacifier ces tribus qui vivaient dans ces forêts. Donc il y a eu une pacification, on va dire, un peu forcée par les autorités indiennes. Et du fait de la déforestation, la tribu a dû sortir de la forêt pour venir mendier de la nourriture qu'elle ne trouvait plus. La ressource naturelle ne lui suffisait plus. Et donc dès le début des années 2000, cette tribu des Jarawa, qui était une des dernières tribus restée complètement isolée et hostile au monde du dehors, a accepté le contact. Et c'était donc le début de la fin. Et moi, en 2003, je suis allé m'immerger au sein de la tribu pour recueillir leurs témoignages, pour recueillir tout simplement leur quotidien, leur mode de vie, et qu'il reste au moins quelque chose de cette tribu avant qu'elle n'ait été totalement perturbée et bouleversée par l'arrivée de l'Occident. Donc les chasseurs-cueilleurs, c'est vraiment un des symboles. Comment tu fais pour la langue, pour l'approche linguistique? Je n'emmène pas c'est exceptionnel que j'amène des Français avec moi. Je pars tout seul et je constitue une équipe localement. Donc si je vais en Mongolie, mon équipe va être mongole. Donc des Mongols qui vont parler anglais ou qui vont me permettre de jouer le jeu d'interprète. Mais moi, je serai le seul occidental dans l'équipe. Ou si je vais en Amazonie, mon équipe va être constituée d'Amérindiens de la forêt amazonienne. Alors je leur apprends à faire des photos, à filmer. D'ailleurs, ils sont passionnés par ces choses-là. Et du coup, ça les aide aussi, eux, à leur faire prendre conscience qu'il est important de participer eux-mêmes à l'écriture de leur propre mémoire. C'est le film que j'ai présenté au Festival de Saint-Étienne, hein, un film qui a été tourné par les Amérindiens, avec une caméra que je leur ai donnée, une formation que je leur ai donnée pour qu'ils puissent filmer le rituel fondateur. Et donc, c'est comme ça que j'entre en contact avec ces peuples. Puis dans les tribus dans lesquelles je m'immerge le plus longtemps, où je reviens régulièrement, là, je fais l'effort d'apprendre tout ce que je peux, en tout cas de la langue, pour arriver à m'en débrouiller le moins mal possible. Où est-ce que tu trouves le temps qui est si cher et si précieux pour pouvoir faire tout ça, réaliser des ouvrages, des DVD, des conférences, des expos photos, être dans le voyage, dans la rencontre? Comment tu fais? Ça, c'est un petit peu mon problème. C'est un peu ma contradiction avec les peuples sages que je côtoie, c'est qu'eux, ils prennent le temps pour tout. Moi, je n'ai qu'une vie et ma vie, elle va un peu dans tous les sens. Enfin, elle a vraiment une cohérence dans la démarche, mais en tout cas, géographiquement, chez les peuples que je vais, je suis obligé de me démultiplier. Et il faut en même temps que je gagne les moyens de voyager, parce que ce n'est pas évident non plus. Donc, la première chose, je n'ai pas créé de famille, hein, je suis célibataire, je consacre ma vie uniquement à ça, c'est une sorte de sacerdoce, entre guillemets. Et puis, quand je rentre en France, j'écris des bouquins si j'ai le temps, je monte des films, j'essaye de les proposer à des télévisions ou dans des circuits de conférences, vous savez, qui passent de ville en ville où on présente nos films. Je fais des tournées pendant 2-3 mois pour rentrer un petit peu de sous. Donc c'est toi qui fais le montage, donc la réalisation, la production, la post-production? On fait tout. Alors j'ai un collaborateur maintenant qui travaille avec moi, mais on fait tout. Lui fait le montage, moi je suis souvent sur le terrain pour tourner. Parfois il vient avec moi pour tourner aussi, pas systématiquement, mais ça arrive de temps en temps. Et fait tout de A à Z, c'est vraiment un travail d'artisanat. Je passe pas par des producteurs, j'avais même créé une maison d'édition pour éditer mes bouquins, parce que des livres sur les tribus, ça n'intéressait personne. À part le côté spectaculaire, et c'est pas la carte que je voulais jouer. Ce que je reproche parfois à la production télévision, quand on fait du documentaire, il est écrit avant d'aller le tourner. Ça, j'ai un peu du mal à accepter cette façon de faire, parce qu'on fabrique des histoires. Et donc, si on tombe dans une tribu qui malheureusement n'a plus de plumes ni de tatouages et qui a adopté le vêtement occidental, parce que d'un autre côté, il y a d'autres gens qui viennent de chez nous, qui leur font pression pour qu'ils fonctionnent comme nous. Eh bien, que font les réalisateurs de documentaires qui vendent du rêve? Ils les font déshabiller, ils leur font faire un vague folklore de ce qu'était autrefois leur tradition, et ils construisent une histoire autour de ce qu'ils estiment que le public a envie de voir et d'entendre. Et moi, j'ai envie de prendre un peu le contre-courant de cette démarche-là. Mais quand j'observe ce qui se passe autour de nous, quand je t'écoute, j'ai pas l'impression que l'homme est intelligent. Est-ce qu'il est altruiste? Est-ce qu'il a une sensibilité? Est-ce qu'il est respectueux de l'autre? Je pense que ça dépend beaucoup du bain dans lequel il baigne, de l'aquarium dans lequel il nage. On n'est malheureusement pas toujours responsable de l'éducation qu'on a eue, et puis nos parents eux-mêmes ne sont pas responsables de l'éducation qu'eux-mêmes on leur a donnée. Donc je pense pas que l'homme soit dénué d'intelligence. Et puis en tout cas, on ne peut pas généraliser l'homme, parce qu'on a encore la chance d'avoir des diversités sur la planète. Et ça, je le crie toujours haut et fort. Nous sommes la dernière génération à être encore les contemporains de ces peuples que tu vois exposés sur les murs de cette salle, qui ont su garder dans les endroits les plus préservés de la planète, les plus isolés de la planète, ils ont su garder leurs différences culturelles, spirituelles, leurs relations à l'autre. Ils ont énormément à nous apprendre. Ils ont sans doute à apprendre de nous aussi, mais tout ne doit pas aller dans un seul sens. Donc l'homme est capable d'intelligence pour développer des techniques d'adaptation à son milieu, pour s'inscrire dans une spiritualité qui lui permet de vivre en harmonie avec son milieu. Nous, on a adapté notre propre spiritualité, on va dire judéo-islamico-chrétienne, enfin les gens issus d'Abraham, au mode de vie que l'on s'est choisi, c'est-à-dire une société développementaliste et qui avance sur le plan matériel, technologique et scientifique, qui essaie de gérer le milieu qui l'entoure. On a fait preuve de beaucoup de prouesses et de beaucoup d'intelligence là-dessus. Malheureusement, on fait peut-être pas preuve d'assez de modestie pour respecter à son juste niveau l'autre dans toute sa différence. Et ça, c'est une de nos véritables richesses, de la véritable richesse de l'humanité, à côté de laquelle on est en train de passer, malheureusement. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.